crois que je n'ai jamais grandi, mais j'ai la force d'un homme. Chez nous on dit Dieu merci, parce que c'est lui qui donne. Quand j'arrive je suis snipé, ils veulent connaître ma story. Mon ami si tu savais, oh, t'écouterais pas les on-dit. Éternel insatisfait, j'aime la vie, laisse-moi kiffer. Loin du rêve américain, mais tout ce que j'ai je l'ai mérité. Tu ne fais que courir après l'argent, tu ne fais que courir après les femmes. Famille nombreuse, on fait comme on peut car la vie est trompeuse. On veut pas ton buzz, on a peur de la faucheuse. Je suis ton opposé. La groupie là, elle fait la lopeuse. Mais je n'ai rien à lui proposer. J'avance et je ne veux pas trop causer. Je représente l'Afrique de l'Ouest comme Mokobé. Elle aimerait m'amadouer, mais Mamadou il est doué. Faut de tout pour faire un monde, mais je suis parti de rien pour me faire un nom. Tu ne fais que courir après l'argent, tu ne fais que courir après les femmes. Si la police te cherche, cours vite comme ton ex veut ta peau, fais-toi tout petit comme Usain Bolt ne peut rien faire ça. Easy cool, tu ressembles au petit. T'as fait une faute, tu fais le mignon comme tu sais, dans la vie faut être endurant. Je n'ai pas de concurrent. Accroche-toi.